الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إمامه فأعطاه صفقة يده والثمرة قلبه فليطعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه فالأمس بدلنا أن نشرح هذا الحديث على ضوء العلماء فوصلنا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر شر ما يعلمه لهم فنحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا إلى خير ما يعلمه لنا وقد حذرنا شرا ما يعلمه لنا فقد جاء في صحيحين أي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع حمد الله وأثنى عليه وقال للصحابة رضي الله عنهم بعد حديث أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أبو بكر فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بيوم الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بشهر الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ببلد الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا حذرنا من ارتكاب المحرمات، وهو قال ذلك على مشهد كبير. ومع هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذه الخطبة في أربعة أيام، يوم النحر وأيام التشريق، ويكثر من هذه الخطبة، وفي الأخير يقول ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والصحابة رضي الله عنهم يقولون نحن نشهد أنك قد بلغت وقد أوفيت. ثم يقول في الأخير ألا لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Hier, on a commencé donc à citer un hadith. Le hadith, le suivant, est ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. D'après le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, qui a dit: nous étions en compagnie du messager du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en voyage. Nous avons fait halte dans un lieu. Il y avait parmi nous des gens, des compagnons, qui préparaient leurs armes. Il y en avait d'autres qui préparaient leurs tentes. Et il y en avait d'autres qui étaient près de leurs troupeaux. Ensuite, un héros du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'est écrié. L'appel en commun. Il a dit ensuite: nous nous sommes réunis. Et le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas un prophète dont Allah a envoyé avant moi qui lui était un droit, un devoir d'indiquer à sa communauté le bien dont il a eu connaissance pour eux et de mettre en garde contre le mal dont il a eu connaissance pour eux. Et certes, cette communauté, son salut se trouvera dans les premiers, chez les premiers, et viendra des épreuves dont une épreuve sera plus légère que l'autre, et ensuite viendra une épreuve dont le croyant dira: celle-ci est celle qui me fera périr. Et viendra une épreuve après la première, dont la première se sera dissipée, aura disparu. Et le croyant dira: celle-ci, celle-ci. Et donc celui qui désire être épargné de l'enfer et rentrer au paradis, alors que la mort ne le prenne, qu'il a foi en Allah et au jour dernier, et qu'il se comporte avec les gens comme il désire qu'on se comporte avec lui. Et celui qui a fait pacte d'allégeance à son dirigeant, qu'il s'engage à lui obéir de manière apparente et cachée. Et si un venait à lui disputer son pouvoir, alors frappez-lui son cou. Hier, on s'était arrêté au propos du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit: il n'y a pas un prophète dont Allah a envoyé avant moi sans qu'il lui était une obligation, un devoir d'indiquer à sa communauté le bien dont il a eu connaissance pour eux, et de mettre en garde contre le mal dont il a eu connaissance pour eux. Et donc, on témoigne, nous attestons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bien indiqué le bien dont il a eu connaissance pour nous. Et il a mis en garde, et il nous a mis en garde contre le mal dont il a eu connaissance pour nous. La preuve de cela réside dans le hadith suivant qui a été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et de même Muslim dans son Sahih, que le compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, a dit, durant le pèlerinage d'adieu, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a loué Allah et l'a complimenté. Et il s'est entretenu. Il a parlé aux compagnons après leur avoir tenu de longs propos. Et il a dit, quel jour sommes-nous? Et les compagnons ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a gardé un moment le silence jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait le nommer par un autre nom. Et ensuite le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, n'est-ce pas un jour sacré? Et ils ont dit, mais si, au messager d'Allah. Ensuite, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, quel mois sommes-nous? Et les compagnons ont dit, Allah et le messager sont les plus savants. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a gardé un moment le silence. Puis, il a gardé un moment le silence jusqu'à ce que nous pensions qu'il allait le nommer par un autre nom. Et ensuite le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne sommes-nous pas dans un mois sacré? Et les compagnons ont dit, mais si, au messager d'Allah. Et ensuite le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans quel pays sommes-nous? Et les compagnons ont dit, Allah et le messager sont le plus savant. Et de même, il a gardé le silence jusqu'à ce que les compagnons ont pensé qu'il allait le nommer par un autre nom. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, n'est-ce pas un pays sacré? Et ils ont répondu, les compagnons, mais si, au messager d'Allah. Et ensuite, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, certes, votre sang, vos biens, votre honneur sont sacrés, comme est sacré ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce pays-ci, dans ce pays-ci. Et en vérité, ai-je transmis? Et ensuite le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et en vérité, ne revenez pas après moi semblable aux mécréants, en vous frappant le cou. Et donc, ici, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde de s'adonner aux actes illicites. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cela devant un public, devant un grand public, c'est-à-dire devant les compagnons, qui étaient nombreux durant le pèlerinage d'adieu. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a tenu ce serment, il l'a réitéré durant 4 jours, le jour de Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, et les 3 jours suivants, Ayyam al-Tashriq. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cessé de réitérer ce serment jusqu'à ce qu'il dise à la fin, et en vérité, ai-je transmis, ô Allah, sois-en témoin. Et les compagnons répondirent, nous témoignons que tu as transmis et que tu as rempli ton engagement. Et à la fin, le messager sallallahu alayhi wa sallam concluait ses propos, son sermon, en disant, et ne revenez pas après moi, semblable à des mécréants, en vous frappant le cou. ثم يقول في هذا الحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها أي السلامة في الصحابة. فلهذا لم نجد من الصحابة مبتدعا واحدا أو واحدا تبنى بدعة من البدع أبدا، حشاهم رضي الله عنهم. وهذا مصداق ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سلم الله سبحانه وتعالى أولها من البدع ومن المحدثات ومن الانحرافات. فهذا دليل على سلامة منهج الصحابة رضي الله عنهم وطريقتهم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نسير على طريقتهم وألا نجانب طريقتهم، وإن خلفنا ما هم عليه كنا مستحقين لعذاب الله. يقول الله عز وجل في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Et donc ensuite le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rajouté dans le hadith, a poursuivi en disant: et certes, cette communauté, son salut se trouve chez les premiers. C'est-à-dire que le salut, donc l'intégrité de cette religion, se trouvait chez les compagnons. C'est pour cela qu'on ne trouve aucun compagnon qui était un innovateur ou qui a accompli une innovation. Et ceci, aucun parmi eux ne l'a accompli. Qu'Allah les en préserve et qu'Allah les agrée. Et donc ceci conforme, atteste la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit donc: et Allah a préservé les premiers de toute innovation, de toute hérésie, de tout écart. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de suivre le chemin des compagnons et de ne pas s'écarter de leur dos, de leur voie. Et que si on va à l'encontre de ce sur quoi ils étaient, alors on encourt le châtiment d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah: et s'ils croient à même ceux-là que vous croyez, alors ils sont certes dans la bonne voie. Mais s'ils se détournent, alors ils sont dans le schisme. Et certes, Allah te suffit contre eux, et il est l'audient, l'omniscient. معنى هذه الآية فيقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم: فإن آمنوا أي اليهود والنصارى ومن جاء من غيرهم ممن هو كافر بمثل ما آمنتم أي الصحابة فقد اهتدوا وإن خالفوا ما أنتم عليه يا معشر الصحابة فهم مشاقق لله ورسوله ولم يضركم بأفعالهم. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة النساء: وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَتَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وساءت مصيرا. Et donc le sens du verset qu'on a cité, qui se trouve dans Sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et également aux compagnons, qu'Allah les agrée. Et si ils croient, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et ceux autres parmi eux, qui sont mécréants, en cela que vous croyez, c'est-à-dire les compagnons, alors ils sont sur la bonne voie. Mais si ils vont à l'encontre sur ce quoi vous êtes au groupe des compagnons, alors ils s'opposent et ils sont des ennemis d'Allah et du messager. Et rien ne vous nuira comme ils agissent envers vous. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat les femmes, An-Nisa, et quiconque fait scission avec le messager d'Allah, après que le chemin, que le bon chemin lui soit apparu, et qu'il suit une voie autre que le sentier des croyants. Les croyants ici sont les compagnons. Alors nous le laisserons comme il s'est détourné et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. فَهَذَا الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ وَلَمْ يَتَغَيَّرُوا ولم يغيروا لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسير على طريقتهم وبين سبحانه وتعالى من خالف الصحابة وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشاقق لله ورسوله. Et donc, les deux versets qu'on a cités, ce sont une preuve, une des preuves, que les compagnons étaient dans la vérité et qu'ils n'ont pas changé et qu'ils n'ont pas modifié la religion. Car Allah Azza wa Jal, il nous a ordonné de suivre leur chemin. Il nous a mis en évidence Allah subhanahu wa ta'ala, que celui qui s'oppose, qui va à l'encontre sur ce quoi était le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, qu'Allah les agrée, alors il devient un opposant et un ennemi à Allah et au messager. Wa'lamu أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين على ثلاثة أقسام لا رابع لهم. القسم الأول المهاجرون، والقسم الثاني الأنصار، والقسم الثالث أتباع المهاجرين والأنصار. Et donc sachez que Allah a divisé les musulmans en trois groupes, trois catégories, et non quatre. La première, le premier groupe, sont les immigrés. Ceux qui ont émigré, qui sont partis de Mecca pour aller à Médine. Deuxième groupe, Al-Ansar, les auxiliaires. C'est les habitants de Médine qui ont accueilli, qui ont soutenu le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les immigrés. Et troisième catégorie sont ceux qui suivent les émigrés et les auxiliaires. Wa ma huwa ad-dalil? Ad-dalil, fi surati Tawba. Et quelle est la preuve? La preuve se trouve dans la sourate Le Repentir, verset 100. يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعاهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن من كان من أتباع المهاجرين والأنصار فهذا يسير على طريقات السلامة والهداية والنجاة والصراط المستقيم. ومن كان مخالفا للمهاجرين والأنصار فهو على ضلال مبين واضح. Et donc la preuve dans surat Le Repentir At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: les premiers, les tout premiers parmi les croyants, parmi les émigrés et les auxiliaires, et ceux qui les suivent dans un bon comportement, avec un bon comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Et Allah leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voici le grand succès. Donc dans ce verset, Allah Azza wa Jalla, il nous a montré trois groupes. Al-Muhajirun, Wal-Ansar, Wal-Ladhina Taba'ahum Bi-Ihsan. Et ceux qui suivent donc les Muhajirin Wal-Ansar, les compagnons du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, celui qui suit les émigrés et les auxiliaires, Al-Muhajirin Wal-Ansar, alors celui-ci, il a emprunté le chemin de la guidée, du salut et de la délivrance. Et il se trouve dans la voie droite. Et quant à celui qui va à l'encontre de la voie qu'ont suivi les émigrés et les auxiliaires, alors il se trouve dans un égarement évident. Wa kama ta'lamun faqad ja'a fi musnad al-Imam Ahmad wa fi jami' al-Tirmidhi wa fi sunan Abi Daud min hadith al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam maw'izatan وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضعة فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي والسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Et donc le hadith que vous connaissez, qui a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad, et par Tirmidhi dans son Jami', et par Abu Daoud dans son Sunan, que le compagnon Al-Irbad ibn Sariyah, qu'Allah l'agrée, a dit: le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a tenu un serment dont ce serment a fait frémir nos cœurs et dont s'est déversé de nos yeux des larmes. Et nous avons dit, ô messager d'Allah, c'est comme si tu nous tenais le dernier de tes serments. Recommande-nous. Et il a dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, je vous recommande la piété, at-taqwa, et je vous recommande l'écoute et l'obéissance. Et même si vous êtes dirigé par un esclave éthiopien, et celui qui vivra après moi verra de nombreuses divergences. Et je vous recommande et je vous conseille vivement ma sunna, c'est-à-dire mon chemin, lequel j'ai emprunté, et la sunna des califes, bien guidés, doués de raison. Et cramponnisez-vous et mordez avec vos molaires et prenez garde de toute chose nouvelle dans la religion, car toute chose nouvelle dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Fa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yubayyinu anna fil mustaqbal satakunu khilafat wa tafarruqat wa tamazzuqat bayna al muslimin. ويبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الحل الذي تسير عليه الأمة فيقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. Et donc le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en évidence que dans le futur, dans l'avenir, donc après sa mort sallallahu alayhi wa sallam, il y aura de nombreuses divergences, désaccords, déchirements entre les musulmans. Mais le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la solution dont la communauté doit suivre, qui est, je vous recommande fortement ma sunna et celle des califes bien guidés, doués de raison, et cramponnisez-vous et mordez-y avec vos molaires. Anna al-khulafa radiyallahu anhum saru ala tariqati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ولم يغيروا ولم يبدلوا فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصير على طريقتهم وأن لا نخالف ما هم عليه ومن هنا علم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سلامة من البدع بل ساروا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نخالف ما هم عليه لأن طريقهم طريق سوي وأن منهجهم منهج سليم ومكان عليه هو الهدى الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. Et donc, les compagnons, ils ont suivi le chemin du messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien modifié. Et c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre leur chemin. Et il nous a interdit d'aller en encontre de leur chemin. Et les compagnons ont suivi donc le chemin avec lequel est venu le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cela qu'il nous est formellement interdit d'aller à l'encontre de leur chemin. Et on comprend ici que les compagnons donc étaient dans une voie saine, dénuée de toute innovation. Et donc c'est pour cela que les compagnons ont suivi le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et en ayant suivi le chemin du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on voit que leur chemin qu'ils ont emprunté est un chemin juste. Et que la ligne de conduite qu'ils ont adoptée est une ligne de conduite saine. Et ce sur quoi ils ont suivi est la guidée avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thumma yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, satusibu akhiraha bala'un wa fitanun, bala'un wa umurun tunkirunaha, ay mukhalafatahum li shar'illah, أي تتنزل عليهم بلايا ورزايا وذلك سبب مخالفتهم لشرع الله. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi dans le hadith, et les derniers de ces communautés seront touchés par des épreuves et par des choses que vous répugnerez. Et cela dû à leurs écarts à la législation divine. Et donc, les derniers de cette communauté, ils seront touchés, atteints par des épreuves, par des adversités et autres. Et tout cela dû à leurs écarts à la législation divine. وَمَا أَكْثَرَ الْبَلَايَ وَالْرَزَايَ أُصِبَتْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فَبَيْنَ الْحِينِ وَالْآخَرِ تُصِبُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَايَ وَرَزَايَ وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا مَنْ أَثْبَتَ اللَّهِ وَلَا يَنْجُهُ إِلَّا مَنْ نَجَّهَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et donc, que sont nombreuses les épreuves et les adversités qu'ont touché cette communauté. Et de temps en temps, cette communauté est touchée par des épreuves et des adversités. Et donc, le musulman, le croyant restera ferme que si Allah Azza wa Jal l'a maintenu. Et le croyant sera sauvé que si Allah Azza wa Jal l'aura épargné. Thumma yaqulu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fataji'u al-fitna yuraqqiqu ba'duha ba'da, ay taji'u al-fitnatu يستعظمها المسلمون ويخافوها المسلمون وينكرونها ويظنون أنها أو أن هلكهم بها، أي تجيء الفتنة الثانية فتكون أعظم من الأولى حتى تصبح الأولى أيسر وأهون من الثانية فلهذا ترقق الأخرى الأولى. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi en disant: et viendra l'épreuve qui sera plus légère que celle qui suivra, c'est-à-dire qu'il va arriver des épreuves Donc les derniers vont être touchés par des épreuves. Et dont les musulmans, quand ils seront touchés par une épreuve, ils verront que cette épreuve est grave. Et ils auront peur de cette épreuve. Et ils vont la répugner, la détester. Et ils vont penser que cette épreuve est celle-ci qui va les faire périr. Mais viendra à la suite une autre épreuve qui sera encore plus grave que la première. Et dont la première sera plus légère et que la deuxième. Et donc ceci est le sens que l'épreuve sera plus légère que la deuxième. ثُمَّ تَجِئُ الْفِتْنَةُ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَةٌ أي هذا سباب دخول جهنم. تجيء الفتنة فربما كانت سباب دخول جهنم وهلكة في الآخر. Et donc le croyant, lorsque l'épreuve va arriver, il va dire: celle-ci est celle qui me fera périr. Et donc, cette épreuve sera la cause de son entrée à l'enfer. Et il se peut que cette épreuve qui va arriver, donc sera la cause de son entrée en enfer et celle qui le fera périr dans l'au-delà. فَلِهَذَا جَاءَ فِي صَحِحْ مُسْلِمْ وَفِي جَمِعِ الْتِرْمِذِي وَفِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدِ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطْعَةِ لَيْلِ مُظْلِمْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْلِمْ كَافِرًا يَبِعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ فَهَذَا الدَّلِيلُ عَلَى الشِّدَّةِ فِتَنِ وَعَلَى عِظَامِهَا فَالْفِتْنَةُ تَجِيءُ فَتَسْرُعُ الْمُسْلِمُ حَتَّى تُخْرِجَهُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ فِتَنٌ عَظِيمَةٌ بَلَايَا كَثِيرَةٌ. Et c'est pour cela qu'a été cité dans le Sahih Muslim et dans le Musnad al-Ahmad et dans le Jami' de Tirmidhi, d'après le compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir des bonnes œuvres avant qu'arrivent des épreuves qui vont arrive semblable aux parties d'une nuit ténébreuse. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a assimilé ces épreuves qui vont survenir à l'arrivée d'une nuit ténébreuse, c'est-à-dire qu'il va tout envelopper. Et il a rajouté: l'homme au matin sera croyant et le soir mécréant. Et il sera le soir croyant et le matin mécréant. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a donné la raison de cela, et il vendra sa religion. Il vendra sa religion par un bien de la vie d'ici-bas. Et donc ce hadith montre la gravité et l'importance des épreuves qui vont toucher cette communauté. L'épreuve ou les épreuves qui vont arriver, elles vont terrasser le croyant, le musulman, jusqu'à le faire sortir de la religion. Et donc, ce sont des épreuves graves des adversités, de nombreuses adversités qui vont toucher la communauté. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhadhiruna min al-fitani wa min dukhuli fil fitani. ويبين لنا أن السلامة أن تبتعد عن الفتن بجميع أنواعها. Et donc notre prophète, notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la solution et il nous a conseillé. Il nous a mis en garde contre les épreuves. Et il nous a mis en garde de ne pas rentrer, de ne pas participer aux épreuves. Et il nous a dit, il nous a mis en évidence que le salut, notre délivrance, est qu'on s'écarte, qu'on s'éloigne de toute épreuve. فَقَدْ جَاءَ فِي سُنَنْ أَبِي دَاوُدَ من حديث المسداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن وَلِمَنْ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَهَا. هذا الحديث يبين أن السعادة الحقيقية هو الذي يجنبه الله سبحانه وتعالى من الفتن فلا يعاصرها ولا يدخل فيها ولا يقاربها ولا يميل إليها ولا يذهب إليها بل يفر منها. هذا هو السعيد الذي لا تصيبه الفتن ولا تعارضه الفتن. Et donc le hadith qui a été rapporté par Abu Daoud dans son Sunan d'après le compagnon Al-Misdad ibn al-Aswad, qu'Allah l'agrée, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'heureux est celui qui sera préservé des épreuves. Et il a réitéré cela trois fois. Et ensuite il a dit: et celui qui sera éprouvé, qui aura patienté et qu'il est bon. Et donc dans ce hadith, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous montre le véritable bonheur. Celui qui sera heureux lorsqu'arriveront des épreuves est celui dont Allah azza wa jal lui aura épargné de ces épreuves. Et donc le croyant, il ne doit pas participer, rentrer dans ces épreuves, même s'approcher, même se tourner vers ces épreuves. Mais plutôt, il doit s'enfuir, se détourner de ces épreuves. Et donc, celui qui sera heureux est celui qui ne sera pas touché par les épreuves. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن ابتلي فصبر فوها أي لمن ابتلي ببعض الفتن ولكن ثبت على الكتاب والسنة فلم تسرعه الفتن ولم تؤثر على قلبه فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من ثابته ومن نجاته من الفتن. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Et celui qui sera éprouvé et qui aura patienté, qu'il est bon. Et donc celui qui aura été éprouvé par des épreuves, mais qui sera resté ferme, il se sera accroché au livre d'Allah azza wa jal, et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et dont les épreuves ne l'auront même pas terrassé, et dont ces épreuves n'auront même pas touché son cœur. Et là, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il s'étonne, il est admiratif de cette personne, donc de ce croyant qui se sera maintenu accroché au livre d'Allah Azza wa Jal, à la Sunna, et qui aura été sauvé de ses épreuves. فَلِمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَهَا أَيْ تَرَكَ الْفِتَنْ بَعْدَ أَنْ هَدَمَتْهُ وَبَعْدَ أَنْ وَجَاهَهَا. وَلَمْ يَدْخُلْ فِي هَذِهِ الْفِتَنِ حَتَّى نَجَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُ فَيَتَعَجَّبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَوَاهًا لَهُ كَيْفَ نَجَاهُ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْفِتَنِ. Et donc, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est éprouvé, qui patiente, qu'il est bon. Et donc, celui qui aura été éprouvé par les épreuves, mais qu'il sera resté ferme, qui se sera maintenu à la voie, dans la bonne voie, à la religion. Le messager est admiratif. Il a dit « فَوَاهًا لَهُ » C'est-à-dire qu'il est bon, que cette personne est bien. Comment cette personne, ce croyant, a-t-il été épargné des épreuves? Donc quelle est la solution pour que nous soyons dans cette époque, pour que nous soyons épargnés des épreuves? Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des instructions. فالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. فنبينا صلى الله عليه وسلم يرشدنا في زمن الفتن أن نرجع إلى الله وأن نتفرغ للعبادة وأن نفر من الفتن وأن لا نواجهها أي لا ندخل فيها ولا نرضى بها بل نفر من الفتن إلى عبادة الله عز وجل. واعلموا الأجر عندما يتفرغ العابد للعبادة في زمن الفتن أجره عظيم عند الله عز وجل. Et donc, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration durant Al-Harj, Al-Harj, comme l'ont précisé nos savants bien-aimés, qu'Allah les préserve et qu'Allah leur fasse miséricorde à ceux qui nous ont précédés. Al-Harj, c'est le meurtre, les troubles. Donc l'adoration durant le meurtre, les troubles, est comme avoir émigré à moi. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous indique que durant les épreuves, qu'on doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on doit s'adonner, se retirer pour s'adonner à l'adoration d'Allah azza wa jalla, et qu'on doit fuir, qu'on doit se détourner des épreuves et qu'on ne doit pas aller vers les épreuves, rentrer dans les épreuves, et on ne doit pas agréer ces épreuves, mais plutôt qu'on doit se tourner vers Allah Azza wa Jal en l'adorant subhanahu wa ta'ala, et on ne doit pas donc aller vers les épreuves, mais plutôt s'enfuir, se détourner de ces épreuves. Fa ihdhar akhi al-karim an tadkhula fi al-fitan fa rubbama sara'atka fitan wa ahlakat fi jahannam wa yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yurshiduna li tariqati as-salama. Et donc, cher frère, prends garde de participer, de rentrer dans les épreuves. Car il se peut que cette épreuve, elle puisse te terrasser et elle puisse t'amener en enfer. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi ses propos dans le hadith en nous indiquant le chemin du salut. فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et donc c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi dans le hadith: celui qui désire être écarté de l'enfer et entrer au paradis, que la mort survienne qu'en ayant qu'il a foi en Allah et au jour dernier. Wa ma'na al-mu'min yathbutu 'ala al-iman wa 'ala ma ja'a bihi nabiyyuna sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le croyant, il doit rester ferme, il doit s'attacher à la foi et en ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ومن المعلوم لديكم أنه لا يمكن أن يدخل الجنة أحد من الناس إلا من كان مؤمنا. Et donc, comme vous le savez tous, qu'il est impossible qu'une personne puisse entrer au paradis que si elle est croyante. فنذكر حديثين على ذلك. Nous citons deux hadiths montrant que ne rentrera au paradis que celui qui est croyant. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بالله أن لا ندخل الجنة إلا إذا كنا مؤمنين. وأيضا جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو أمر مناديا يقول لا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. Donc les deux hadiths. Le premier hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après le compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme en sa main, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant. Et votre foi ne sera pas complète tant que vous ne vous aimerez pas. Et voulez-vous que je vous indique une chose que si vous l'accomplissez, vous vous aimiez, alors propagez entre vous le salut. » Et donc ici dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam jure par Allah azza wa jal qu'on ne peut pas rentrer au paradis que si nous sommes croyants. Et un autre hadith dans le Sahih al-Bukhari que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un héros de s'écrier en disant « Ne rentrera au paradis qu'une âme croyante. » ثُمَّ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْتَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي تُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْكِ ومع الأسف هذه النقطة أصبح الكثير من المسلمين بعيدا عنها ومع ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة بهاتين نقطتين والنجاة من النار بهاتين نقطتين. أنت تعامل كل مسلم كما تحب أن يعاملك الناس. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam a poursuivi dans le hadith que tu te comportes avec les gens comme tu désires qu'ils se comportent avec toi. Mais par la plus grande tristesse, de nombreux musulmans, la majeure partie des musulmans, sont loin de ce point. Alors que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, il a rapporté, il a mis en relation l'entrée du paradis par les deux points suivants, qui sont la foi en Allah et au jour dernier, et d'avoir un bon comportement avec les musulmans. Et de même, il a mis en relation ces deux points pour être écarté de l'enfer. فَأَنْتَ أَخِي لَا تُحِبُّ أَنْ يُسِيَكَ النَّاسِ فَلَا تُسِي إِلَيْهِمْ وأنت تحب ألا تسب فلا تسب وأنت تحب ألا يكذب عليك فلا تكذب وأنت تحب ألا تمس بالشر في دنياك في جسمك في مالك في زوجتك في ولدك في تجارتك في بيتك وغير ذلك فأنت تحب للمسلمين هذا وأن تعامل المسلمين بهذه المعاملة فتحب لهم ما تحب لنفسك. Et donc, cher frère, tu n'aimes pas qu'on te maltraite, qu'on agisse avec toi d'une mauvaise manière. Alors ne maltraite pas les gens. Tu n'aimes pas qu'on t'insulte. Alors n'insulte pas les gens. Tu n'aimes pas qu'on te mente. Alors ne mens à personne. Et tu ne veux pas être touché par un mal dans ta vie d'ici-bas, que ce soit ton corps, dans tes biens, ton épouse, tes enfants, ton commerce, ta maison, voiture et autres. Alors il faut que tu aimes cela pour les musulmans et que tu te comportes avec eux d'un bon comportement. Comporte-toi avec les musulmans comme tu aimes qu'on se comporte avec toi. فلهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Et donc le hadith que vous connaissez, qui est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, et de même Muslim dans son Sahih, d'après le compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous, sa foi ne sera pas complète tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. فَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْلَمَ تِجَارَتَكِ إِذَنْ يَجِبُ أَنْ تُحِبَّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ تَسْلَمَ تِجَارَتُهُمْ وَأَنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْلَمَ عِرْضُكَ فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُحِبَّ لِلْمُسْلِمِينَ أن تسلم أعراضهم فأنت تحب لنفسك أن تسلم دمك فيجب عليك أن تحب للمسلمين أن تسلم دماؤهم فأنت تحب لجميع المسلمين ما تحب لنفسك فأنت تحب أن تكون من أهل الجنة فيجب عليك أن تحب للمسلمين جميعا أن يكونوا من أهل الجنة وأنت تحب أن تنجو عن النار فيجب عليك أن تحب لجميع المسلمين أن يجوا من النار. Et donc, tu désires, tu aimes, si tu es commerçant, que ton commerce soit prospère, alors faut que tu aimes, pour tous les commerçants musulmans, que leur commerce soit prospère. Tu aimes que ton honneur, c'est-à-dire tout ce que tu possèdes, soit préservé. Alors, il faut que tu aimes pour les musulmans que soit préservé leur honneur. Et tu aimes que soit préservé ton sang. Alors faut que tu aimes pour les musulmans que soit préservé leur sang. Et de même, tu aimes faire partie des gens du paradis, que tu sois des gens du paradis. Alors il faut que tu aimes que les musulmans soient font partie des gens du paradis. Et tu aimes être épargné de l'enfer. Il faut que tu aimes que les musulmans soient épargnés de l'enfer. Et donc tu dois aimer pour les musulmans ce que tu aimes pour toi-même. فهذا كلام عام يشمل التاجر والمزارع والموظف ورئيس والمرؤوس والمدير والمدار والأمير والمأمور والمالك والمملوك، كل واحد يحب للآخر ما يحب لنفسه، ويحب أن يعامل الآخر كما يعامل. فهذا كلام شامل. Et donc cette parole, donc ce qu'on vient de citer, c'est une parole générale, englobe tout le monde sans exception, que ce soit un commerçant, un fermier, un fonctionnaire, un président, celui qui est dirigé, un émir, un directeur, un ouvrier et autres. Tous doivent aimer. Tous doivent aimer pour l'autre ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Et tous doivent se comporter avec l'autre comme ils aiment qu'on se comporte avec eux. Idhan, fala yajuzu lil muslim an yushi' al fitan fi bilad al muslimin. ولو فعل ذلك فليس فلم يكن من المؤمنين كامل الإيمان الإيمان المطلوب. Et donc c'est pour cela qu'il est interdit à tout musulman qu'il propage, qu'il sème le trouble au sein des musulmans. Car si il agit ainsi, cette personne ne sera pas un croyant ayant une foi complète. ثم يرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقة السلامة عندما تنتشر الفتن وتظهر أن معظم الفتن تأتي من قبل السلطان. Ensuite dans le hadith, le messager صلى الله عليه وسلم, il nous indique, il nous montre le chemin de la délivrance. Lorsque vont arriver, vont apparaître les troubles. Et il nous a mis, il nous a indiqué que le messager sallallahu alayhi wa sallam, que la majeure partie des troubles, des épreuves qui vont arriver à la fin de cette communauté, surviendront dû au gouverneur, comme vous le découvrez en cette époque. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إمامه فأعطاه صفقة يده والثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه فإن الخروج على الحكام فتنة عظيمة وشر مستطيل فلهذا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الآخر الذي يريد أن يفتح للأمة باب الشر. Et donc c'est pour cela qu'à la fin du hadith, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait pacte d'allégeance. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam nous donne aussi des directives, que les épreuves qui vont être, vont toucher les musulmans, comme on le voit à notre époque, viennent des gouverneurs. Mais Rasulullah nous a donné la directive qu'on doit faire pacte d'allégeance à ses gouverneurs, qu'on doit s'engager à les obéir dans l'obéissance à Allah et non dans la désobéissance à Allah, en de manière apparente et de manière cachée, c'est-à-dire que notre cœur aussi doit être satisfait de ce pacte d'allégeance. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit donc de lui obéir selon les limites de notre capacité. Et ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: et si un autre venait à disputer son pouvoir, alors frappez son cou, en montrant, en désignant les Khawarij. Et donc, comme vous le savez, se rebeller, porter les armes contre les dirigeants, ou même les critiquer, ceci est une épreuve terrible, grave, est un mal perdurant. Et donc c'est pour cela que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il a permis que si une personne vient à disputer le pouvoir du dirigeant, car celui-ci désire ouvrir une porte de mal pour la communauté, il nous a permis donc de frapper son cou. Et donc concernant ce point, on l'avait développé il y a déjà deux séminaires, c'était le deuxième séminaire. Comment le croyant doit-il se comporter vis-à-vis de ses dirigeants? Donc celui qui désire, les cours ont été enregistrés, vous pouvez vous y référer. فَنَقْتَفِي بِهَذَا الْقَدَرِ. Et donc on va se limiter donc, de ce qu'on a cité aujourd'hui et hier. فَسُبْحَانَكَ اللَّهُ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.